Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gémozo pour l'émission La Parole est à vous, avec un magazine santé qui sera beaucoup plus consacré à l'environnement. Pourquoi ce magazine ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes encore en pleine actualité des coquelicots. Ça va durer jusqu'au mois de juin, avec différentes actions. Alors, j'excuse tout de suite les partenaires des coquelicots qui devaient venir aujourd'hui, qui sont venus, donc c'était la semaine dernière, si je me souviens bien, où on a fait un magazine, effectivement, sur ce problème des pesticides en particulier. Voilà, mais aujourd'hui, ben, on veut un magazine santé qu'on va aborder, et puis on va parler un peu de tous ces problèmes environnementaux, hein, de toutes ces pollutions qu'on pourrait dire qui finalement perturbent notre vie quotidienne et notre santé, bien évidemment. Alors, je présente nos intervenants d'aujourd'hui. Le docteur Didier Henry, donc retraité, qui était ancien responsable de la maternité de Remiremont, hein, et aussi une des chevilles ouvrières d'Ademat H. Et puis notre collaborateur habituel, hein, j'allais dire mon co-animateur Jean Tisserand, qui était aussi docteur Jean Tisserand. Bon. Bonsoir donc, Michel, et bonsoir à tous nos auditeurs. Voilà, donc je voudrais quand même revenir. Oh, pas mal d'années en arrière, hein, où l'Union fédérale des consommateurs, par l'intermédiaire de Jean-Paul G, qui était à cette époque rédacteur en chef, attirait déjà la santé en 2013 sur les perturbateurs endocriniens. Mais pas seulement, hein, je crois que l'Union fédérale des consommateurs, depuis des décennies, j'allais dire, hein, justement, nous alerte sur ce problème des pesticides, des perturbateurs endocriniens en général, de la santé environnementale. Et à cette époque, il titrait une menace mondiale pour la santé et l'environnement. L'alerte des experts de l'ONU. Et sans ambiguïté, un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme des Nations unies pour l'environnement souligne l'importance des preuves scientifiques accumulées sur le rôle des perturbateurs endocriniens dans l'émergence de certains cancers, sein, prostate, thyroïde, de troubles de la fertilité ou du système nerveux. Ces substances chimiques que l'on trouve un peu partout dans notre univers quotidien sont soupçonnées, même à très faible dose, de perturber notre système hormonal. Que choisir ? Ce n'est pas la première fois que choisir que nous tirons la sonnette d'alarme. Falate, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, dans les jouets, dans les sièges auto ou le PVC, bisphénol A, dans les contenants alimentaires. C'est déjà un peu moins vrai aujourd'hui, puisque le bisphénol A a été retiré dans de nombreux produits. Nos tests disaient que choisir à l'époque traque régulièrement ces molécules toxiques. Cette fois, c'est au tour des cosmétiques d'être passé au crible des analyses de que choisir. Voilà. Conservateurs, filtres solaires, émollients, conditionneurs, nombre d'ingrédients, de produits d'hygiène et de beauté sont susceptibles d'interférer sur le fonctionnement de notre système endocrinien et de nos hormones. Voilà, pour résumer un petit peu cet édito de Jean-Paul G de l'époque, hein, en sachant bien que choisir a fait paraître aussi tout un document sur justement ces perturbateurs endocriniens que l'on pouvait retrouver dans les cosmétiques. Avec une surprise statistique, c'est que les femmes utilisent par exemple, je crois, quelque chose comme plus de 30 produits cosmétiques par jour. Hein, ce qui paraît énorme quoi, par rapport. Voilà, bon, on ne va pas s'imiter, bien sûr, au problème des cosmétiques et puis des perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les jouets ou ailleurs, ou dans l'environnement immédiat, dans nos logements. Mais aussi parler, bien sûr, des pesticides, même si nous n'avons pas aujourd'hui accueillir dans notre studio donc les coquelicots. On en a parlé longuement dans une émission récente. Voilà, j'ai bien résumé la situation, chers amis, médecins. Oui, pas de problème. Qu'est-ce que t'en penses, Jean ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par perturbateur endocrinien, en fait ? Alors, en gros, ce sont des molécules qui agissent comme des hormones. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que une hormone, quand elle se trouve dans la circulation sanguine, même à très faible dose, vont stimuler des récepteurs qui se trouvent sur certaines cellules. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'il y a, on n'a pas besoin de l'effet dose qu'on appelle l'effet dose dans les produits toxiques. C'est-à-dire que de très petites doses peuvent aller stimuler les récepteurs sur la surface des cellules, du noyau des cellules. Et c'est ce qui explique aussi que quand on a des doses très fortes, on a un effet paradoxal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les récepteurs sont bloqués, les hormones n'agissent plus. Donc, les perturbateurs non plus. Et c'est absolument ça qu'il faut comprendre. C'est que ce n'est pas un problème de dose, mais plutôt un problème de présence, donc de ces perturbateurs dans l'alimentation ou dans l'eau ou ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on parle toujours de normes, de doses admissibles, etc. Ça, c'était valable pour les produits vraiment toxiques, quoi. Pour les produits qui agissaient justement directement et non pas par le biais des récepteurs. C'est communément admis aujourd'hui que finalement, ce n'est pas une question de dose, c'est une question de présence de ces produits et puis de leur action sur l'organisme. Jean ? Oui, non, je n'ai rien à ajouter. Ils agissent à très très très très faible dose et ils mettent en route toute la machinerie cellulaire qui peut aller jusqu'au processus tumoraux sur des cellules, par exemple, comme le sein, la prostate. Donc c'est très embêtant, quoi. C'est leur existence même. Et on joue un petit peu aux apprentis aux sorciers parce qu'on découvre ces molécules au fur et à mesure alors qu'elles existent depuis longtemps, quoi, en fait. Il y a très peu de contrôle et de recherche là-dessus, quoi. On connaît les plus gros produits, le bisphénol A, etc., mais les phtalates, mais d'autres produits ont certainement les mêmes fonctions et on ignore tout. Le contrôle, la surveillance, c'est ce qui manque un petit peu dans notre pays sur le sujet. Alors moi, je rajouterais aussi que ces jours-ci, on a entendu parler des histoires de couches culottes pour les nouveau-nés. Et je crois que c'est une bonne information pour introduire le problème de comment agissent et à quelle période ces perturbateurs endocriniens agissent. Je m'explique. En fait, dans l'organisme, les perturbateurs endocriniens, mais même les autres molécules, agissent sur l'organisme à des périodes qui sont plus fragiles que d'autres, où l'organisme est plus fragile que d'autres. Alors c'est déjà chez la femme enceinte, le fœtus, déjà. Ensuite, c'est chez la petite enfance jusqu'à la ménopause, enfin jusqu'à la puberté. Pendant que l'organisme se construit. Exactement. C'est à ce moment-là où l'organisme est le plus en plus est le plus sensible justement à ces perturbateurs endocriniens. D'inhibition. Pardon. En quelque sorte, on parle d'inhibition, c'est-à-dire je ne trouve pas le vrai terme. Ça veut dire que l'organisme est plus vulnérable. Voilà, l'organisme est d'autant plus vulnérable que les cellules sont en multiplication à ce moment-là. Donc, automatiquement, il y a des effets qui sont délétères au moment, justement, où ces cellules se forment. Notamment, donc, par le biais de la division cellulaire. À ce moment-là, quand vous avez des perturbateurs qui viennent, justement, justement perturber la multiplication cellulaire, il peut y avoir des anomalies, comme au niveau des cellules du sein ou des cellules de la prostate, qui plus tard peut se transformer en cancer. Donc, si on résume bien la situation, ça veut dire que ces perturbateurs endocriniens, enfin, si tous ces produits-là vont agir directement, peuvent agir directement sur la cellule. Oui, et très par l'intermédiaire d'hormones. Et très précocement. Et parce qu'elles comportent plutôt une hormone, c'est ça. Voilà. Alors, c'est justement ce qui est le plus mais important. Ce qu'on peut se demander exactement, est-ce qu'on étudie ce phénomène jusqu'à présent? Est-ce qu'on mesure véritablement ses conséquences? Ou bien on en est encore au balbutiement? Alors, moi, je crois qu'on en est encore au balbutiement. Mais on a quand même pris la mesure de ce qui nous. De la menace qui pèse sur nous, quand même. Mais c'est vrai que. On en est encore quand même qu'au début, parce qu'on a réussi à identifier quelques perturbateurs endocriniens. Mais il y en a combien? On ne sait pas trop. Comme je disais l'autre fois, actuellement, on connaît à peu près 3000 molécules. Enfin, disons qu'avant, en 1930, on fabriquait 1000 molécules. Maintenant, actuellement, on en fabrique par an plus de 50 000. Donc là-dessus, il faudrait faire une étude. 50 000 nouvelles molécules. C'est énorme. Donc là, il faudrait faire une étude sur chaque molécule. C'est impossible. Il apparaît quand même que pour la mise sur le marché d'un produit, il y a des études qui sont faites. Mais alors, le reproche qui est fait... En particulier, je ne sais que choisir, c'est que c'est finalement les fabricants qui eux-mêmes mènent les études. Alors il y a ce côté-là, il y a le côté du conflit d'intérêts, mais je veux dire d'abord avant, quand vous faites des études, là le problème des perturbateurs endocriniens, c'est des études à long terme. C'est-à-dire que s'il faudrait suivre le produit chez la femme enceinte du début jusqu'à la... après la naissance et même jusqu'à la puberté, voire même l'âge adulte de l'enfant qui a subi in utero une agression, soi-disant une agression par les perturbateurs endocriniens. Alors bien sûr, on a quand même l'étude chez les animaux, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on peut, d'une certaine manière, appliquer les résultats chez les animaux, l'appliquer à l'homme. Mais quand même, ces études, c'est très, très, très long et très difficile. Et surtout d'en tirer des conclusions qui soient efficaces, qui soient adaptées. Effectivement, il y a un problème de barrière d'espèces. On ne connaît pas du tout les réactions du corps humain à certaines substances. Et puis, il y a la notion du temps qui nous échappe aussi. Hein. C'est-à-dire que les effets secondaires, on les mesure quelquefois à 10 ou 15 ans, alors qu'on fabrique, comme disait Didier, 50 000 molécules nouvelles par an. Donc c'est une course de vitesse dans laquelle l'homme est perdant. Hein. Oui. Et il n'y a pas de laboratoire indépendant d'État public qui serait... qui pourrait faire ces études-là, puisque C'est-à-dire que les organismes publics sont souvent alertés par des effets secondaires, rétrospectivement. On observe des pathologies qui se multiplient de plus en plus, on ne comprend pas, et puis un jour on finit par comprendre, mais avec le temps. Et puis une chose qu'on sous-estime également, c'est l'association de ces produits. Ah oui, il y a énormément d'associations, de l'effet cocktail. Un produit, c'est comme les médicaments, on sait à peu près les effets toxiques d'un médicament, de deux à peine, mais une fois qu'on mélange trois substances chimiques différentes, on ne contrôle plus rien, on ne sait plus. Et puis, ces produits ont des effets rémanents, ils sont eux-mêmes dégradés par l'organisme ou par les bactéries qui nous habitent dans le tube digestif, etc. Et donnent des sous-produits toxiques qu'on ne connaît pas du tout. C'est un petit peu inquiétant tout ça. Oui. Et puis ce qui est le plus inquiétant aussi, c'est que ces perturbateurs endocriniens, ils agissent sur les cellules de l'organisme, mais on peut aussi se poser la question s'ils n'agissent pas sur les cellules destinées justement à la reproduction, donc sur les générations suivantes. C'est ce qu'on avait on a retrouvé, par exemple. À propos, est-ce vrai que la fertilité masculine, en particulier, diminuerait dans nos pays occidentaux? Oui, c'est vrai. Le nombre de spermatozoïdes au spermogramme a été divisé par au moins deux en 20 ans, hein, je crois, ou 30 ans. C'est, le nombre de spermatozoïdes diminue beaucoup. Et ça, c'est véritablement des études fiables. C'est certain. Ça, c'est certain. Mais l'origine, la cause, ça, par contre... On ne sait pas trop, ça peut venir effectivement des perturbateurs endocriniens, probablement, mais il y a aussi des effets toxiques. Des effets toxiques sur l'atteinte directe des cellules germinales par certains toxiques. Aucune étude avant mise sur marché va étudier l'effet sur le spermogramme, sur le nombre de spermatozoïdes émis par les hommes lié à une substance. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. Parce que ça semble encore... davantage constaté chez des agriculteurs. Voilà, oui. Dans le monde agricole. Un couple sur cinq a un problème d'infertilité, actuellement. Un couple sur cinq a du mal d'avoir des enfants, consulte médicalement. Ça peut venir aussi produits toxiques. Pas forcément des produits directement. Ça peut venir, par exemple, des pesticides. Notamment certains pesticides sont des perturbateurs endocriniens également. Aussi. Ils jouent par deux modes de. Comment on pourrait dire de. C'est différent. Deux modes d'atteinte différents, à la fois un mode direct du produit sur la cellule, sur les cellules, et un mode indirect par le biais des récepteurs qui sont bloqués ou stimulés. Voilà. On retrouve donc dans ces perturbateurs endocriniens, mais dans tous ces produits toxiques que la chimie nous livre au jour le jour, hein, qui sont incorporés dans des tas de produits quotidiens, donc des produits qui sont susceptibles d'agir directement sur les cellules. Alors, une question aussi, est-ce vrai qu'il peut y avoir entre les premières mutations de cellules, l'apparition par exemple d'un cancer, plusieurs décennies? Est-ce possible? Le problème des perturbateurs endocriniens quand on parle justement d'atteinte du fœtus ou d'atteinte de l'enfant dans la petite enfance, il ne développe pas tout de suite son cancer. C'est au bout d'un certain temps, plusieurs décennies après. Disons que c'est comme si la cellule elle avait pris un chemin un peu différent, mais que elle n'exprimera sa cancérogenèse que beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'il faut faire très attention pour les enfants. C'est déjà inscrit dans son code génétique qu'un jour, elle va dérailler et donner un cancer. Mais ça nécessiterait une prudence extrême. Mais on sait que les cancers, pareil, ont été multipliés par deux en 20 ou 30 ans. Mais l'origine exacte, on ne connaît pas. Voilà. On ne peut pas dire accuser tel produit, tel pesticide, tel modificateur endocrinien, mais ça en fait partie. Il y a un effet cocktail de plusieurs produits. Oui. Comme pour les abeilles, souvent. Oui. Et les agriculteurs sont effectivement extrêmement pénalisés par les produits pesticides qu'ils peuvent utiliser. Est-ce que vous avez vu le film « Nos enfants nous accuseront » ? Non, ça vous dit rien. Non, ça ne dit rien. Il y a plusieurs années, il était d'ailleurs... ce film était passé au cinéma de Vanier. Et il y avait suite justement à ce passage de film, donc une conférence qui a été tenue. Il était aussi par Vosges Nature Environnement. Hein. Il apparaissait quand même, c'est assez spectaculaire, puisque c'était aussi une volonté locale de promouvoir une cantine bio. Hein, de démontrer aussi ce que pouvait apporter une cantine bio par rapport à l'environnement, etc. Il y avait tout d'abord une description des pesticides, et d'ailleurs quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'il y avait une vue des Cévennes, enfin, en arrière-plan des Cévennes. Au premier plan, il y avait des cerisiers, des arbres en fleurs, je crois que c'était des cerisiers, et puis un cultivateur, enfin... un agriculteur qui passait avec déguisé comme un martien qui passait et puis qui aspergeait les qui aspergeait, hein, c'était le côté un peu spectaculaire du film. Mais c'est vrai que, c'est vrai que l'emploi de ces perturbateurs endocriniens, de ces pesticides, se sont quand même beaucoup développés au cours des dernières années. Et puis on parle quelquefois de, pour une pomme de 22 traitements. Oui, oui. C'est le produit qui est le plus traité en France. Oui. Hein, la pomme. Pensais que c'était le pêcher, puis les pêches, et puis finalement, c'est les pommes. Oui. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très préoccupant, ces histoires-là. Hein. C'est vrai. Mais est-ce que dans votre métier, alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre, est-ce que dans le métier, vous avez pu constater quand même une évolution du nombre de cancers, de problèmes de malformation de nouveau-nés qui pourraient être dus bien sûr, c'est bien qu'il y a alors, pas de problème habitable. Alors, sur le plan du nombre de cancers, moi, j'ai quand même, quand j'ai commencé médecine, déjà, j'avais remarqué que les gens, ils ne mouraient pas de cancer, ils mouraient de... Il mourait de problèmes cardiaques, de maladies cardiovasculaires. Oui. Le nombre de cancers du sein, quand je suis arrivé à Remiremont, donc il y a 40 ans, on en opérait environ une dizaine par an. Et maintenant, on en opère plus de 60, 70 par an. Donc ça bourrouve, ça prouve que même dans une petite ville comme la nôtre, c'est quand même énorme, quand même, hein, le nombre de cancers a augmenté d'une manière phénoménale. Hein. Et ce n'est pas dû à une prolongation de la vie. Ce n'est pas dû à une prolongation de la vie. C'est vrai que la fréquence du cancer, en général, augmente avec l'âge. C'est normal, finalement, puisque plus on devient vieux, plus les cellules ont tendance à dégénérer. Donc elles peuvent effectivement donner des cancers. Mais moi, je ne parle pas des cancers de la personne... Oui, âgé, je parle de cancer de la personne jeune. Et on peut même dire qu'on a de plus en plus maintenant de cancers chez la femme de moins de 40 ans. Oui. Ce qui pose vraiment des gros problèmes, et d'autant plus. Donc il y en a plus, et en plus, ces cancers sont des cancers très agressifs, parce qu'ils sont ce qu'on appelle récepteurs négatifs. Donc c'est des cancers qui ont beaucoup de mal à être soignés par la chimiothérapie. On parle quelquefois d'hérédité. C'est très oui, peu. Oui. Alors il existe effectivement des cancers héréditaires, mais en fait ceux-ci ne sont que de 10 à 15%. Il reste encore 85% de cancers qui ne sont pas dus à l'hérédité. Alors c'est vrai, certains cancers sont... notamment chez les femmes qui sont porteuses d'anomalies chromosomiques du type BRCA1, BRCA2. Ça, c'est des mots qu'on entend régulièrement chez les femmes qui présentent des cancers génétiques. Donc ces femmes-là, par contre, effectivement, elles ont un risque qui est de l'ordre de 70% de faire un cancer, oui. Un cancer du sein. Et en plus, elles ont 50% de risque de faire un cancer de l'ovaire. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel de tous les cancers. Mais ces femmes n'ont pas un risque de 100% de cancer, et il est possible que ces modificateurs endocriniens viennent accélérer l'arrivée du cancer ou le favoriser. Par exemple, si cette femme était destinée à être dans les 30% ou 40% qui ne devait pas faire de cancer, par exemple. Donc la génétique est une chose, mais la toxicologie vient surajouter des effets mauvais. Là, on tombe dans un domaine qui est très intéressant, c'est l'épigénétique. Voilà. C'est l'épigénétique, c'est-à-dire que, par exemple, la femme qui a le même matériel génétique que sa voisine, ou qu'une jumelle, par exemple, oui. Si elle a des habitudes alimentaires qui sont différentes, ça pourrait être, je ne sais pas, moi, on parle des perturbateurs endocriniens, mais on peut parler aussi de l'alcool, on peut parler aussi du tabac, on peut parler de tout ça. Bien sûr. Et par ce biais-là, si elles ont une attitude très stricte, et disons très saines, elles peuvent contourner et ne pas faire de cancer, justement par le biais de l'épigénétique. Ouais. Et ça, l'épigénétique, c'est quelque chose dont on commence seulement à étudier de près. Quoi. C'est les conditions de vie qui vont modifier un petit peu l'expression des gènes. Voilà. Donc on n'est pas prisonnier totalement de ces gènes. Avec une vie saine, sportive par exemple, on peut éviter certains cancers, éviter l'obésité, éviter la suralimentation, d'avoir très peu d'exercice physique ou des choses comme ça. On reviendra sur cet aspect. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Parce que ce qui apparaît quand même fondamental aussi, c'est le fait quand même que les femmes fument de plus en plus. Oui. Oui, je pense, parce que là, on s'aperçoit que la consommation de tabac globalement diminue, mais chez les femmes, ça continue à progresser chez les jeunes femmes. Il n'y a pas que ça. Elles boivent de plus en plus. Elles sont stressées de plus en plus, ne serait-ce que par leur boulot et tout ça, leur travail. Donc, tous ces facteurs-là, ils s'additionnent pas, ils se multiplient. Toujours l'effet cocktail. Et c'est, voilà, on rentre dans un autre effet cocktail. Oui. Et c'est très... Non seulement il y a le côté bien sûr donc qui atteint la cellule directement avec ses perturbateurs endocriniens, ses toxiques en général, mais il y a aussi bien sûr le mode de vie, enfin sachant que le tabac est aussi un toxique en quelque sorte. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de mal de faire la preuve de quand on dit que les cancers ont été multipliés par deux, on a beaucoup de mal de faire la preuve de l'origine. C'est multifactoriel. Mais n'empêche qu'on a quand même des soupçons sur la cause. Sur plusieurs petites causes qui se surajoutent ou qui se multiplient les unes par les autres. Voilà. On va peut-être s'accorder une pause musicale et puis on parlera un petit peu de l'environnement, puisque là on a abordé l'environnement par différents sujets, aussi bien les perturbateurs endocriniens, les toxiques, mais il y a aussi bien le mode de vie, bien sûr, ce qu'on mange, ce qu'on respire, mais il y a aussi, bien entendu, ce qu'on vit dans nos logements, pourquoi pas. Set, go man, go. I got a gal that I love, so I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Going to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll, baby, she's the apple of my eye. I'm ready. Now a dungaree dog, I headed for the gym to the sock hop ball. The joints really jumping, the cats are going wild. The music really set my day, the crazy style. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. Woo! Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Ben voilà, nous repartons sur ce dossier santé-environnement avec Didier Henry, le docteur Didier Henry et le docteur Jean Tisserand. Alors, on parle bien sûr de tout ce qui est environnement et on s'aperçoit quand même qu'il y a une multiplicité de facteurs qui peuvent déclencher, par exemple, le cancer. Mais il y a d'autres maladies aussi qui peuvent être engendrées par... Par l'environnement immédiat, ce qu'on respire, ce qu'on mange, etc. Maladie de Parkinson, les maladies neurodégénératives dont les agriculteurs, c'est prouvé, sont plus atteints que le reste de la population. par exemple. Oui, oui, c'est lié aux pesticides qu'ils utilisent. Oui, Parkinson. Parkinson, maladie neurodégénérative, altération de certains neurones du cerveau. Sclérose en plaques, non. C'est pas connu. C'est pas connu. Mais ça fait partie de toutes ces maladies qu'on appelle les maladies chroniques. Et il y a d'autres. Bon, il y a les cancers, mais par exemple les hémopathies. Vous avez des lymphomes. Les lymphomes. Oui. Qui sont probablement d'origine toxique aussi et d'origine de ces fameux... C'est prouvé aussi chez les agriculteurs, que les agriculteurs font beaucoup plus de lymphomes que le reste de la population. Ils sont exposés à ces maladies certainement du fait de leurs produits phytosanitaires. Hein. Je crois qu'il y a 100 000 produits phytosanitaires actuellement autorisés sur le marché. 100 000. 100 000 oui, oui. Ah oui, 100 000 ah, c'est un chiffre qui donne vertige. C'est énorme. On en connaît quelques-uns comme ça pour d'entendre répéter. On utilise en France 63 700 tonnes par an de pesticides pour l'agriculture. Dont une partie va dans la bave phréatique, forcément. Oui, oui. Alors seulement 10% ou 20% à peine vont directement sur la cible thérapeutique, l'insecte, le champignon. Le reste se diffuse dans les sols. Diffuse dans les sols, va dans les nappes phréatiques, va dans les rivières. Hein. Et puis aussi bien sûr, dans l'air. Dans l'air, oui, bien sûr. Dans certains endroits... Pas trop en France, mais ça existe en France. On épand ces produits phytosanitaires par des avions ou des hélicoptères. Oui. Donc l'air est extrêmement pollué. Exemple de ce qui se passait aux États-Unis. Oui. Mais ça se passe. Moi, j'ai travaillé en Alsace, à Guebwiller, on traite les vignes par hélicoptère. Ah bon ? Pendant 2 jours, les hélicoptères font l'aller-retour avec des grandes rampes. C'est des vignes extrêmement escarpées et on expose. Toute la population, et quand vous êtes dans le village en bas, ça sent vraiment le pesticide, ça sent le produit pharmaceutique, ça sent extrêmement fort. Donc toute la population en profite largement. Et justement, il n'y a pas que dans le Bordelais où on a cité certainement. Là où il y a de la vigne, il y a des risques. Hein. Je l'ai vécu. Et les produits, on parlait tout à l'heure des pommes, le deuxième produit qui fait l'objet de plus de traitement, c'est la pomme de terre. Ensuite, justement, la vigne et le colza. C'est les 4 produits avec des tonnages extrêmement importants. Et je crois que j'avais cherché, c'est 90 € par hectare pour 3,4 kilos par hectare de produits phytosanitaires qui sont utilisés en France. C'est fantastique. Mais c'est des chiffres qui ne sont pas trop divulgués, finalement. Ben non. Il y a des lobbies en face qui empêchent justement que les gens prennent conscience un peu. Mais les agriculteurs eux-mêmes. Oui, hein. Les agriculteurs, mais ils en bénéficient parce que leurs produits agricoles sont commercialisables, sont certainement de bonne qualité visuelle et gustative, ne sont pas attaqués par des parasites, mais ils ont aussi, comme je le disais tout à l'heure, ils sont les premières victimes de ces produits-là. Et justement, ça serait quand même très intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment fait ou si c'est fait, c'est que localisé ou alors fragmentaire. Mais il serait quand même intéressant justement de faire dans un secteur géographique donné, de voir justement le nombre de kilos, enfin de la quantité utilisée de pesticides, et puis de mettre en rapport, en parallèle, le nombre d'autismes. Le nombre de maladies neurodégénératives, le nombre de cancers et tout ça. Parce que c'est vrai que l'Alsace, c'est un des pays où il y a le plus de cancers. De cancers et de lymphome. Ah oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Et on suspecte. La viticulture, mais c'est tabou. Dans cette région, ça serait vraiment tabou. Voilà. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des études épidémiologiques, quand même, par endroits qui sont. Enfin, c'est toujours pareil, il faut qu'elles soient financées. Les cancers digestifs sont très importants en Alsace, hein, les lymphomes aussi. Et puis, qu'est-ce qui était le diabète? Mais ça, c'est plus important aussi. C'est une des particularités. Mais ça, on peut pas accuser tel ou tel produit, telle ou telle pratique. C'est trop difficile, quoi. Enfin, la plaine d'Alsace, c'est vrai. Alors, il y a un exemple célèbre, c'est la Martinique qui a utilisé le chlordécone, qui était un produit phytosanitaire pour la banane. Alors, il est interdit depuis plus de 20 ans actuellement. On n'utilise plus de chlordécone du tout. Mais on le retrouve à des quantités astronomiques dans tous les légumes cultivés dans l'île de la Martinique. À tel point qu'ils sont quasiment limite comestibles. Et c'est le produit. Parce qu'il l'utilise toujours ou alors c'est parce non. qu'il reste non, dans non. les sols. Non, il est interdit. Il est interdit depuis 20 ans. Il reste dans les oui, sols. Oui, mais bon, tu sais comment c'est. Quand on interdit, ils en mettent de côté et puis et tout et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de saturation des sols. Et là, on a montré quand même que c'était la cause principale des cancers de la prostate. Les cancers de la prostate en Martinique sont à des taux les plus importants de tout l'État, de toute la France, hein, métropolitaine et outre-mer. Là, c'est une rémanence qui est inquiétante. On parle beaucoup du cancer du sein, mais c'est vrai que le cancer de la prostate, on a quand même l'impression, mais est-ce qu'une impression, ça s'est beaucoup développé depuis des oui, décennies. Oui, tout à fait, tout à fait. Depuis deux décennies peut-être. C'est vrai que ça s'est beaucoup développé, mais là, de ce côté-là, on est quand même moins renseignés, étant gynécologues tous les deux, que sur le point, il faudrait voir avec un urologue et demander leur avis. Mais c'est vrai que c'est comme tout cancer hormonalement dépendant, le cancer de la prostate est en augmentation par rapport aux autres cancers, c'est vrai. Et là, on suppute qu'il y a quand même le problème des perturbateurs endocriniens là derrière. Et ces pesticides agricoles, c'est 200 000 décès par an dans le monde. C'est énorme. Hein. Et encore, c'est certainement sous-estimé. Dont le dixième, 20 000 agriculteurs qui meurent tous les ans. C'est des quantités énormes. Et justement, on parlait en aparté du problème de la rivière La Cleurie, tout près d'ici d'ailleurs, hein, qui se jette dans la Moselotte, oui. qui prend sa source dans le lac de Gérardmer, enfin à la sortie du lac de Gérardmer. Et les problèmes des blanchiments que l'on connaît depuis des années, puisqu'il y avait même eu un projet de blanchiduc à un certain moment, c'est-à-dire qu'on porterait une partie des eaux, des effluents de la Cleurie directement dans la Moselotte pour éviter justement la pollution de la Cleurie. Ce projet-là a été abandonné parce que ça semblait complètement délirant, mais il n'empêche aujourd'hui que les stations d'épuration ont été mises aux normes, il y a eu des progrès de ce côté-là, mais on retrouve maintenant des perturbateurs endocriniens, des pesticides quand même en nombre, et ça viendrait de... Non pas du coton lui-même. Alors ça viendrait du coton lui-même. C'est du coton qui est importé d'Inde. Et comme c'est un pays qui utilise encore de manière très importante les pesticides, donc en fait ces pesticides sont importés par le biais du coton. Et au moment du blanchiment, ils sont rejetés dans la Cleurie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une Cleurie qui est... une des rivières les plus polluées, enfin qui était une des rivières les plus polluées de la France. C'est un cas actuellement. Il apparaît que c'est un cas actuellement, puisque les stations d'épuration, c'est vrai, peuvent déborder aussi à certains moments. Elles peuvent très bien ne pas être très bien contrôlées. Il n'empêche que c'est vrai, le sujet de la Cleurie a fait couler beaucoup d'encre parmi les écologistes du coin, puis en particulier Vosges Nature Environnement. En sachant également que c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué parce que le problème, c'est que dans les OGM, ça viendrait de la culture OGM, dans les OGM, il y aurait une cellule de glyphosate directement qui est utilisée pour... C'est-à-dire que l'OGM produit son propre pesticide. Enfin, en fait, c'est la plante. C'est la plante qui fabrique elle-même son pesticide. Oui. Et c'est pour ça aussi que Monsanto, pendant longtemps, s'est fait des gorges chaudes pour nous balancer leurs produits. Mais en disant que là, il n'y aura plus de problème, puisque c'est la plante elle-même qui va faire son pesticide. Donc on ne balancera plus de pesticides. Mais le problème, c'est que nous consommons la plante. Exactement. Sous forme d'aliments ou sous forme de vêtements pour le coton. Mais Bien sûr. Nous sommes directement en contact avec le produit toxique. Et puis bien sûr, les textiles en particulier. Et puis, les chaussures sont importées la plupart du temps de pays qui utilisent massivement des produits toxiques. Par exemple, les tanneries du Bangladesh, qui sont certainement parmi les plus importantes, si ce n'est pas les importantes du monde, utilisent encore aujourd'hui des toluènes. Alors, bien sûr, au grand dam des populations locales, parce qu'en même temps, ça pollue l'eau dangereusement. Il y a une toxique dangereuse. Une autre source de pollution des eaux qui était très importante il y a quinzaine, une vingtaine d'années, c'était les PCB. Oui. C'était des huiles de transformateurs. Notre fabricant national d'électricité a rejeté, n'a plus utilisé ces fameux transformateurs au PCB, a rejeté ces huiles qui contenaient ce produit directement dans les rivières, partout en France. Bon, partout en France, y compris à Mirebon, hein, d'ailleurs. Ah oui, bon, y compris à Mirebon. Et ces PCB sont à l'origine de dioxine. Ce qui fait par exemple qu'on a interdit la consommation des poissons d'eau douce en France, à Lyon, entre 2003 et 2009, je crois. Pendant 6 ans, ça a été interdit. Parce que les poissons, il y avait des pêcheries professionnelles dans le Rhône, mais le poisson n'était plus du tout apte à la consommation. Il était extrêmement toxique. Alors on a réautorisé la consommation de ces poissons, mais ces PCB, ces dioxines, sont des produits rémanents pour des siècles, pour des siècles, des générations. Et ils ont contaminé toute la microfaune animale du fond des rivières qui nourrissent les poissons. Et les poissons concentraient encore davantage ces produits. Et l'homme consommant les poissons le concentre encore davantage. Je sais quelqu'un, par exemple, avait acheté un terrain tout près du pont Le Prieur, là où l'ancienne station EDF, il y avait des PCB, et il était plus ou moins question de devoir polluer ce coin-là, parce qu'il y avait des PCB qui avaient été déversés à ce niveau-là. Pourquoi le public n'est jamais informé? Ah ben ça s'est fait en douce. Hein, ça de, s'est fait, de ces problèmes. Ça s'est on fait, a l'impression ça s'est que, fait même, en douce. Que même les sociétés de pêche préfèrent toucher des dommages. Non, préfèrent toucher des dommages. S'ils sont au courant. Non, personne n'est au courant. Personne il y a quand même courant. Des prélèvements qui sont faits de temps en temps, non? Parce oui, qu'il y a eu le cas des... On ne trouve que ce qu'on cherche aussi. Hein. Oui, bien sûr. Pareil, ah hein. Oui, c'est vrai. Non, non, je pense que... Sachant qu'il y a eu une pollution aussi de la Moselotte, je me souviens, quelques années, avec des produits phytosanitaires pour le bois. Oui, oui, c'est... La Vologne. Une cuve qui avait été larguée dans la Moselle. La Vologne aussi avait été polluée à partir du saut des cuves jusqu'à Granges-sur-Vologne, où il n'y avait plus. Ah oui, je parle ça d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais il n'y avait plus âme qui vive dans. Plus de truites, plus rien du tout, pendant quelques années. Bon, c'est revenu, mais. On utilise moins les chlores, mais maintenant, je pense que c'est les produits chlorés, mais je pense qu'on va vers d'autres produits plus sophistiqués et qui sont des perturbateurs endocriniens. Oui, c'est sûr que le chlore lui-même, mais il fait partie intégrante quand même de la molécule elle-même. Hein, donc c'est vrai que c'est de plus en plus des molécules qui sont compliquées. C'est pour ça que le docteur Tisserand tout à l'heure parlait justement que en fait de transformation de ces produits. C'est pas la molécule, c'est pas forcément la molécule qui attaque ou qui est dangereuse, mais c'est les produits de dégradation qui restent dangereux aussi. Ouais, oui. C'est aussi par ce biais-là quoi. On a par exemple l'imprégnation des sols de l'eau. De... L'atrazine qui était un pesticide aussi agricole qui était interdit en 2001. À ce jour, 50% des eaux des nappes phréatiques et des sources sont contaminées par l'atrazine toujours, persistante. Oui. Ce qu'on ignore toujours, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on connaît pas forcément, ce que le consommateur ne connaît pas forcément. Et jusqu'à 10 fois les doses limites toxiques. Alors on dit que 60% des nappes phréatiques sont polluées en France. Oui. Est-ce que c'est la réalité? Ah oui, je pense que oui. Ben moi, je pense que c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. 5%, ça serait peut-être plus. 60%. Mais moi, je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, on ne trouve que ce qu'on cherche. Je veux dire, dans les nappes phréatiques, il y a plein de produits les agences de bassin qu'on ne cherche pas. Font et quand même ce travail. Les agences de bassin font certainement ce travail. Ben oui, mais c'est toujours pareil. Ne neutralise pas, filtres, ne recherche pas. Les filtres pas et tout produits. Ça, ça sert à quelque chose. Mais ils se basent sur quoi pour dire que l'eau, elle est vraiment potable? Je ne sais pas, moi. Hein. Moi, je voudrais bien faire venir quelqu'un qui s'occupe d'eau, d'ailleurs, ici, et puis qu'on en parle. Intéressant d'interroger les agences de bassin, etc. Ouais. Pour savoir exactement, parce que c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, que... On recherche pas tous les produits dans les analyses. Mais il y en a tellement. Il y a une méfiance et une peur du scandale aussi sanitaire, même de la part de des autorités chargées de contrôler. Je me souviens très bien une maison que j'ai habitée à une époque. Le tuyau qui arrivait à mon compteur était un tuyau en plomb. Oui. Donc c'était dans la région Bourgogne. Les eaux étaient relativement calcaires quand même, donc j'étais un petit peu inquiet. J'ai voulu faire une analyse d'eau pour rechercher le plomb dans l'eau, en fait. Mais c'était impossible. Je me suis trouvé avec des barrages administratifs complètement délirants. J'allais révéler un scandale, j'allais faire paniquer la population. Enfin, j'étais un mauvais citoyen, quoi. Je voulais simplement savoir si je devais boire de l'eau du robinet ou acheter de l'eau en bouteille, hein, qui vaut peut-être pas mieux d'ailleurs. Chez moi, là, 8 rue du Capitaine Poirot, moi, mon tuyau, on l'a changé qu'il y a 3-4 ans. Hein. Oui. Il y a 3-4 ans, c'était encore un tuyau en plomb qui arrivait dans ma cave. Ah oui. Et qu'à l'ouverture, je voyais toujours ce tuyau en plomb. Ah oui. Il y avait une différence fondamentale entre... Puisque c'est vrai que c'est le plomb qui a été utilisé, y compris dans les fermes de montagne, etc., pour acheminer l'eau au robinet. Quand il y avait des robinets, mais la plupart du temps, comme c'était des fontaines, ça coulait en tout temps. Donc il y avait très peu de résidus de plomb. Tandis qu'au robinet, c'est sûr que l'eau qui est bloquée doit contenir davantage de plomb. Dans nos régions, les eaux sont très acides, donc, ça attaque le tuyau de plomb et ça dissout les sels de plomb. Donc c'est beaucoup plus dangereux que là où les vieux tuyaux de plomb sont encrassés par du calcaire, certainement. Mais c'est sûr qu'il faut se débarrasser des tuyaux de plomb. C'est une toxicité ancienne. Ceci dit, du calcaire, il y en a énormément chez nous. Oui. En fait, ça en vient à me faire penser qu'il y a aussi une autre forme de problèmes environnementaux dans nos régions, surtout dans les vieux massifs. Oui. C'est le problème du radon. Oui. Le radon, parce qu'on a énormément de gaz radioactifs. Enfin, énormément. On a des gaz radioactifs comme le radon qui peuvent éventuellement influencer. Et voire provoquer des cancers. Oui. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut aérer beaucoup les maisons, et notamment les caves. Oui. Les caves, parce que le radon est un gaz qui est lourd et il va s'accumuler dans les caves. Il faut absolument que les gens pensent à aérer les caves. Et là, il y a eu également un dossier de Que Choisir, et puis aussi un article qui était quand même assez documenté dans Vosges Matin à propos du radon, hein, puisqu'il y avait une école d'Ormiremont. Oui, tout à fait. C'était l'école de la Mée, il me semble, hein, où les doses de radon étaient supérieures au taux admissible. Oui, en sachant bien que ces fameux taux admissibles, ils sont souvent remis en cause. Beaucoup de pollutions sont d'origine naturelle aussi. Hein. J'ai lu par exemple qu'à Termignon, un petit village de Savoie ou de Haute-Savoie, il y avait des affleurements d'amiante, qui est une roche naturelle en fait, oui, qui est utilisée après dans le bâtiment. Qui est toujours utilisée, non. Oh, non, utilisée grandement, non, plus maintenant. Au Canada. Oui. Avec lequel on a un traité quand même de coopération. Ah oui. Mais est-ce que la roche elle-même est dangereuse ou Si elle devient pulvérilante, c'est très sec, les poussières, mais c'est des affleurements de roches blanches, poussiéreuses, qui peuvent certainement contaminer l'environnement. Quoi. C'est pareil pour le radon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'artificiel, puisqu'il y a les conglomérats qui sont utilisés pour le bâtiment aussi, d'abord, l'extraction va dégager du radon, puis ensuite, ces conglomérats continuent à émettre du radon. Et puis, pour ce qui est de la pollution domestique de nos logements, elle est favorisée par les matériaux de construction, bien sûr, mais aussi par tout ce qui est le mobilier, les cols, les solvants. Les matelas en plastique, les mousses. Les mousses. Oui. Tout ça, c'est plein de... Même le polystyrène. Certains produits isolants se subliment, c'est-à-dire qu'ils se transforment directement de matière solide en matière gazeuse. Ils libèrent des gaz. Donc, utilisez le moins possible des produits de ce type-là et aérez largement vos logements. Puisque on avait émis l'idée à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement, finalement, à l'intérieur des habitations, il y avait 10 fois plus de pollution que la pollution atmosphérique extérieure. Ah, maintenant, on s'attache beaucoup au problème du diesel, des particules. Oui, les micro-particules. Mais on a l'impression quand même qu'on néglige aussi cet aspect de pollution à l'intérieur des habitations. C'est vrai. Oui, mais le problème, alors, c'est que finalement, ben, on a tout intérêt à aller habiter une cabane dans les bois, hein, parce que... Mais la pollution atmosphérique te rattrape, même dans les bois. Même dans les bois. Oui, mais bon, ça dépend à quelle altitude, c'est, quand même. Il y a 48 000 décès, effectivement, par pollution atmosphérique par an, en France. Enfin, c'est surtout dans les villes aussi, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ah, et l'espérance de vie dans les villes est diminuée de 3 ans à cause de cette pollution atmosphérique par rapport à la vie et la campagne. Et en particulier les particules fines. Tout à fait. Mais peut-être pas seulement. Peut-être pas uniquement, oui, effectivement. Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'il y a quand même des organismes qui sont chargés de défendre notre santé par rapport à l'environnement. Un l'ANSES, par exemple, etc. Est-ce que véritablement ces organismes-là jouent leur rôle s'ils ont suffisamment de moyens pour jouer leur rôle. Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce qu'ils ne sont pas non plus victimes des lobbies? Forcément. Le problème, c'est qu'on se rend compte de plus en plus, quand on creuse le problème, que c'est énorme. Ça devient énorme, quoi. Et puis même ces organismes-là, chercher où? Dans quelle direction chercher? C'est vraiment un gros, gros problème. Quand on disait tout à l'heure, on parlait de molécules. Donc quand vous avez 130 000 molécules à examiner, actuellement, on n'en connaît que 3 000. Uniquement 3 000. Mais il en reste quand même une paire hein, derrière. Plus les produits de dégradation. Ah ouais, ouais. Donc, c'est vrai que ça... Plus ces produits qui sont aujourd'hui interdits, qui ne sont pas compris dans ce panel, et puis qui sont encore présents dans les sols, dans le... Et puis, on a fait des... Même dans nos cheveux, Nos cheveux sont tout à fait le témoin de ce qu'on consomme. Une bonne analyse, mais on peut savoir. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite, publiée d'ailleurs, c'est sur l'étude des placentas chez les femmes, après accouchement. Oui. Et sur 17 produits toxiques recherchés, on en a trouvé entre 8 et 15 au niveau du placenta, dont du lindane, des produits, etc. Est-ce que dans les revues médicales, on parle de ça? Très peu. Couramment. Très peu. Mais où la médecine intervient également dans la pollution, c'est l'utilisation des antibiotiques. Bien sûr. L'élevage est de très très loin en France le premier consommateur d'amoxicilline. Nous, nous prenons par 1 ou 2 grammes par jour quand nous sommes très malades, le moins souvent possible. Mais l'agriculture, par kilo, le consomme par kilo ou par tonne. C'est énorme. Quand des porcs ou du poulet poussent... Sauf l'agriculture biologique qui n'est pas autorisée. Ne poussent plus trop bien, ne grossissent plus trop bien, ont une stagnation de leur croissance, une cure d'antibiotiques sans autre mode de réflexion est prescrite. Et ces antibiotiques... En médecine vétérinaire. Oui, en médecine vétérinaire. Et ces antibiotiques, leurs produits de dégradation, mais souvent directement les antibiotiques, ça part où? Ça part dans les eaux, dans les nappes phréatiques, dans les rivières. D'où une résistance de plus en plus grande à certains germes. Il y a des germes qui sont totalement résistants à tout antibiotique actuellement. Il faut prier de ne pas rencontrer ces bactéries-là. Vous avez pu constater en milieu hospitalier ce phénomène? Pas personnellement dans notre spécialité. Hein. Je n'ai jamais vu d'infection, mais en réanimation, les services de réanimation retrouvent. Oui, surtout les grosses, les chirurgies, les services de chirurgie, surtout avec justement le problème des maladies nosocomiales. Hein. Tout ça, c'est dû au fait que les germes sont devenus résistants maintenant. Donc, il y a de moins en moins d'antibiotiques qui deviennent efficaces les maladies. C'est un problème général, c'est une course en avant pour les antibiotiques, pour contrer les bactéries en santé humaine ou animale, mais aussi pour les pesticides, pour les parasites, ce qui perturbe l'agriculture. Beaucoup d'insectes sont devenus largement résistants à tout insecticide, et ça pose des problèmes. Donc c'est une course en avant. On trouve de nouveaux produits qui vont être efficace peu de temps, on va utiliser à forte dose, et puis on s'apercevra peut-être plus tard qu'ils avaient des effets extrêmement toxiques et délétères. On dit aujourd'hui que les glyphosates sont interdits dans 3 ans, mais qu'entre-temps, Monsanto aura inventé un insecticide. Son petit frère. qui sera peut-être encore plus dangereux que les glyphosates, mais enfin bon. Oui, c'est ça, toujours pareil. C'est, hein, c'est une course en avant. C'est une fuite en avant. Okay, alors, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour justement éviter toutes ces molécules, etc. Est-ce que véritablement la médecine, le citoyen, les unions de consommateurs peuvent peser durablement sur ce problème? Je crois que oui. Par exemple, en matière d'alimentation, il existe des AMAP, des agriculteurs qui se regroupent, qui font des coopératives et qui cultivent strictement bio, sans utilisation du tout de pesticides ni rien du tout. Bon, les légumes sont des fois un petit peu pas très beaux, pas très chouettes, mais je pense qu'ils sont même une saveur quelquefois meilleure. Et, oui. Je pense que ça sent pas la pharmacie, entre guillemets, enfin, sans être péjoratif. Et je pense qu'il faut privilégier, par notre mode de consommation, ces modes respectueux de notre planète, de la Terre, de l'humanité, tout simplement. Et par rapport... Mais aussi au niveau de... Il n'y a pas que le problème de l'alimentation, il y a aussi le problème des produits utilisés, en cosmétologie, par exemple. C'est pourquoi on se base, on va utiliser des savons ou des shampoings avec des huiles de palme et des choses comme ça. On ne sait même pas d'ailleurs comment ils sont cultivés, ces palmes. C'est palmeraies qui donnent justement ces huiles de palme. Moi, à mon avis, celles-là, les hélicoptères, ils doivent tourner. Hein. C'est mon avis. Et donc, moi, je pense aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà reprendre tous les produits actuels qui sont sur le marché, qui ont été mis sur le marché, arrêter d'en remettre sur le marché et repartir sur une étude pour voir justement s'il y a... Il n'y a pas là-dedans déjà des produits qui ont été mis sur le marché, mais qui sont délétères. Des petites choses comme la suppression des sacs plastiques, c'est quand même pas mal aussi. On signale, je ne sais plus trop où, dans l'océan, quasiment un continent de microparticules de plastique, un continent entier. Et ces microparticules sont consommées par les planctons, les microcrustacés, puis les poissons. Et nous, on consomme les poissons. Et ces plastiques contiennent certainement des tas de substances toxiques. D'après l'Union fédérale des consommateurs, Choisir disait que les crustacés, maintenant, on consomme du plastique. On est arrivé là. On retrouve ces microparticules microscopiques de plastique. Alors, ce qui fait... une certaine ministre d'Environnement a fait interdire les sachets plastiques, en particulier dans les magasins, dans les supermarchés. On s'aperçoit d'une chose, c'est que de toute façon, l'autre jour, j'étais dans une boulangerie qui est mi-artisanale, mi-industrielle, on va dire. Hein. Ça se situait à Gérardmer. Et puis j'ai fait remarquer quand même à la vendeuse que de toute façon, c'était pas très, très bien de demander aux consommateurs de mettre des produits dans un sac plastique. Mmh. Elle me dit, oui, mais c'est pour qu'on voit mieux le contenu du sac. Je dis, pourquoi vous ne prenez pas des sacs en papier, par exemple, plutôt que des sacs en plastique pour que les... Et puis on voit bien aux fruits et légumes, par contre, dans les supermarchés, on continue à distiller du plastique en quantité formidable. Marc nous fait signe que de toute façon on est arrivé au bout de cette émission. Je vous remercie. Hein. Voilà. Bonsoir à tous nos auditeurs et merci de nous avoir écoutés. Voilà, et puis on souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.